Chapitre 58. L'autorisation d'accepter ce qui n'a été ni demandé, ni convoité. 538. Salim ibn Abdillah ibn Omar rapporte de son père Abdullah ibn Omar que Omar, radiallahu anhuma, a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, souhaitait me faire des dons, mais je lui disais: Offre ceci à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Il me répondait alors: Prends. Tout bien qui t'est proposé sans l'avoir convoité ou demandé, prends-le. Consomme-le si tu le souhaites ou donne-le en aumône si tu veux. En dehors de cela, ne convoite aucun bien. Salim dit, Abdullah ne demandait rien à personne et ne refusait pas non plus ce qu'on lui proposait. Al-Bukhari et Muslim.